Ce matin, la Fabrique de l'Histoire vous propose une discussion sur le cinéma à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les représentations également de la libération au cinéma. Après avoir parlé pendant deux jours, c'était donc mardi et hier, de Radio à la Libération avec un documentaire mardi. Et hier, une discussion à partir des archives du studio d'essai avec Anaïs Quin qui a préparé cette semaine avec nous. Nous vous proposons donc aujourd'hui de discuter cinéma. Jusqu'à 10h, nous allons ce matin vous raconter qui et comment a préparé la prise de pouvoir sur les images avant la Libération. Comment fonctionnait peut-être aussi le cinéma à la fin de l'occupation ? Et comment cette libération du pays s'est accompagnée de nombreuses images, documentaires et de fiction. Nous le ferons avec Sylvie Lindeperg, elle est professeure à Paris 1, membre de l'Institut universitaire de France, auteure de Clio de 5 à 7, mais également des Écrans de l'ombre, sous-titré La Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français, c'est en point histoire au seuil, et également des voix des images, publiées l'an dernier chez Verdier. Et également avec Jean-Pierre Bertin-Maguit, il est professeur d'études cinématographiques à Paris 3, il est membre de l'Institut universitaire de France, auteur du cinéma français sous l'occupation chez Perrin, des documentaires des années noires, c'était chez Nouveau Monde, et auteur également de La guerre d'Algérie et les médias, c'est aux presses universitaires de Paris-Sorbonne. Bonjour Anaïs Quin, bonjour à vous Jean-Pierre Bertin-Maguit. Bonjour. Et bonjour Sylvie Lindeperg. Vous êtes en plein travail Sylvie Lindeperg ces temps-ci, puisque vous allez d'ici quelques temps coordonner des débats, des projections autour justement de ces libérations de la France. Ça se fera dans combien de temps là, ces débats et ces projections? La première séance commence le 25 septembre et va durer tout au long de l'automne. Et c'est un cycle de programmation centré sur les images de l'été 44, avec une volonté d'éclairer un peu ces images, la manière dont elles ont été tournées, d'en raconter l'histoire, de montrer les opérateurs au travail, et puis leurs premiers usages, hein, à la fois du côté de la propagande, mais des premières œuvres marquantes de la libération de Paris. La première séance est consacrée au débarquement, et on va montrer un film rare, méconnu, qui est Le 6 juin à l'aube de Jean Grémillon. Ça se passera où ? Ça se passera à l'Amphi Foch, aux Invalides, et puis juste après, le 5 octobre, on fait une grande journée sur les maquis, à partir d'images très récemment exhumées. Avec un grand historien des images, mais également Maquisard. Exactement, Marc Ferraud qui sera à nos côtés pour commenter et analyser ces images. Alors, j'imagine qu'effectivement, dans ce bouillonnement de commémoratif, il y a de quoi raconter, et de quoi raconter assez proche, tout compte fait, de ce qu'on a raconté hier avec Karine Le Bay, qui nous a raconté comment la radio de la Libération avait été préparée pendant l'occupation par le studio d'essai, par Pierre Schaeffer et ceux qui étaient autour de lui. C'est un peu la même chose pour le cinéma de la Libération. Je crois qu'il y a un écho certain entre ce qui se passe avec la radio et le cinéma, auquel il faut ajouter les actualités cinématographiques, dont on aura sans doute l'occasion de parler. Et comme pour la radio, je dirais qu'on peut faire l'histoire à partir de l'histoire de la radio, à partir de l'histoire du cinéma, les images étant des sources, mais étant aussi, je dirais, des éléments de compréhension et des agents de l'histoire qui agissent sur l'événement. Alors, Jean-Pierre Bertin-Maguit, vous avez travaillé, vous, non sur le cinéma directement de l'occupation, de la Libération, mais sur celui de l'occupation. Et c'est important de vous avoir avec nous parce que, tout compte fait, c'est celui qui sert à la fois de repoussoir, mais également ce cinéma de l'occupation, de cocon dans lequel, clandestinement, vont se préparer ces images de la Libération, Jean-Pierre Bertin-Maguit. Alors moi, j'étais parti de deux constatations pour faire ce travail. La première constatation, c'est justement la Libération, où j'avais vu qu'il y avait un affrontement de discours entre ceux qui disaient être satisfaits de leur travail pendant l'occupation, et puis d'autres qui considéraient que 45, c'était l'année de tous les espoirs. Bon. Et donc, je m'étais posé comme question, où il y a rupture ? Est-ce que la rupture s'est faite en 1945 ou est-ce que la rupture s'est faite en 1940 concernant l'organisation du cinéma? Et après donc, ce travail que j'ai entrepris, je veux dire que le cinéma français, on peut dire qu'il y a une rupture en 1940, puisque à partir de ce moment-là, le cinéma est devenu une affaire de gouvernement. Et donc, ce cinéma a été encadré, c'est ce que vous racontez dans votre livre, très sévèrement encadré. Alors, encadré, on pense évidemment par la censure, mais pas seulement, mais encadré aussi pour les professions, la façon dont elles étaient réglementées, etc. Et ça se passe pendant toute la durée de l'occupation. Oui, mais ça s'est fait d'ailleurs de manière tout à fait naturelle, finalement, parce que le cinéma était en crise. En 40, oui. N'est-ce pas? Et donc, les professionnels, que ce soit le patronat ou que ce soit les techniciens, demandaient une véritable organisation du cinéma. Quand et chercher des solutions, d'une certaine façon. Et chercher des solutions. Quand on pense que le cinéma dépendait de 7 ministères, qu'il n'y avait pas de structure corporative qui traite de la législation du cinéma. Donc, il y avait une aspiration à mettre en place une organisation. Alors, ce cinéma de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, est-il, comme on l'a souvent raconté, un cinéma qui est une sorte d'âge d'or, c'est-à-dire où c'est ce qu'ont raconté les acteurs en particulier, certains réalisateurs à la Libération, en disant on n'a jamais eu une période comme celle-ci, une période si forte de liberté, disaient certains d'ailleurs, pendant laquelle on a pu agir, écrire, même clandestinement, en faisant travailler des gens qui étaient théoriquement interdits de travailler, comme des techniciens, des décorateurs ou des opérateurs juifs qui étaient interdits de travailler, mais néanmoins, on a réussi à faire des œuvres, voire des chefs-d'œuvre pendant cette occupation. Oui, c'est vrai qu'un des deux discours dont je parlais tout à l'heure, c'est celui de l'âge d'or, c'est-à-dire que les cinéastes ressortent en disant « Bon, nous n'avons pas été obligés de faire des films de propagande, nous n'avons pas eu la concurrence des films anglo-saxons, s'il y a eu exclusion des Juifs, c'est pas de notre fait, c'est la réglementation. » Donc, il y a un véritable discours de satisfaction pour un grand nombre de cinéastes. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma français, disons, est une entité très singulière dans les pays occupés, parce que on n'a pas demandé au cinéma français, justement, de faire des films de propagande. Et le seul producteur allemand qui est installé sur les Champs-Élysées, donc Alfred Greven, qui a installé la Continentale, n'a pas cet objectif. Son objectif, c'est de continuer à faire un cinéma français des années 30 justement, attirait le public. Et il va rechercher les fleurons du cinéma français. Et il rejette tous les projets de propagande qui sont envoyés par l'Allemagne. Donc, c'est véritablement une singularité de la France par rapport aux autres pays occupés. Anaïs Kien. Sur ces quatre années, Jean-Pierre Bertin-Maguitte, on voit produit environ 200 films. 220, oui. 220 films. Quelles sont les thématiques et quel est le changement du traitement qu'on peut malgré tout repérer par rapport aux années 30? C'est-à-dire sur des films pas tous, qui ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, comment sont traités les drames bourgeois classiques du cinéma des années 30? Mais c'est-à-dire qu'un des éléments importants, c'est que c'est la figure masculine surtout qui va changer. C'est une figure masculine qui est fragilisée, c'est-à-dire que contrairement aux années 30 où on a justement la conception traditionnelle du rapport homme-femme, sous l'occupation, il y a la mise en place d'une fragilité. On commence à avoir des thèmes aussi de famille monoparentale. Mais bon, d'une manière générale, on a les mêmes acteurs. Hein, c'est justement notamment les 30 films de la Continentale. Voilà. On a des films policiers. Il faut distraire les Français des coercitions du moment. Donc on retrouve des thématiques, des années 30. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent se retrouver dans ce qu'ils aimaient à l'époque. Donc les comédies musicales, on a des comédies musicales, on a des films historiques, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que selon l'esprit de celui qui va voir les films, certains films ont été pris comme des appels à la résistance, par exemple Poncaral ou Les Visiteurs du Soir avec la dernière scène. Mais évidemment, ce n'est pas systématique. C'est-à-dire tout le public français n'a pas vu dans ces films soit un appel à la résistance ou soit à l'insoumission. Voilà. Alors, on peut passer à un extrait tout de suite avec vous, Jean-Pierre Bertamaguit, Anaïs Quien et Sylvie Dinoupergue, d'un premier extrait de film qui pose problème et qui posera problème à la Libération. C'est le film d'Henri-Georges Clouzot, Le Corbeau, un film de 1943. On en écoute un extrait et on en discute avec vous. C'est elle, Le Corbeau. C'est faux. C'est une langue. C'est vous qui avez mis la lettre. Moi. Vous avez découvert quelque chose sur Le Corbeau? Toute la ville peut être infectée. Et dire que... Non, rien. Tu m'as volé mon amant, mais sois tranquille. Denise. Michel le saura, tout le monde le saura. Mais c'est bon. Le Corbeau a raison, j'aiderai à purifier la ville. Allez, vous vous taisez. Non, je le dirai, je le crierai si je veux. Sale type, sale type. Dites donc, au fond, Le Corbeau, c'est peut-être vous. Oui, une grande question qu'on pouvait se poser pendant ces années d'occupation, qui est Le Corbeau, et c'est comme ça que certains, pas tous, ont lu un film et ont vu un film comme celui-ci d'Henri-Georges Clouzot, une petite ville avec un corbeau qui dénonce, et une discussion à la fin de la guerre, en février, au printemps 1944, dans les Lettres françaises, dans un supplément, dans lequel on désigne Le Corbeau comme étant le type même d'un film qui va dans le sens de l'idéologie des occupants, Jean-Pierre Bertamaguit. Oui, alors, toute la profession n'est pas de cet avis. Bien sûr, c'est bien ça qu'il faut dire. Hein, bon, alors, d'abord, c'est vrai qu'il y a un procès Clouzot très important qui, finalement, aboutit à 2 ans et demi d'interdiction de travailler. Et le principal grief, c'est effectivement Le Corbeau. Alors, pour Clouzot, il s'agit tout simplement de dénoncer les lettres anonymes qui instauraient un climat de délation en France. Et il reprend un scénario qui a été déposé en novembre 1937 qui s'appelle « L'œil du serpent », écrit par Louis Chavance et qui donc part d'un fait divers qui s'est passé à Tulle. Bon, alors, l'article dont vous faites allusion, effectivement, le corbeau est déplumé, va s'appuyer sur cette idée de lettre anonyme pour dire, mais finalement, vous avez montré à une période en 42 où nous sommes occupés, vous avez montré une mauvaise image de la France. Vous avez contribué à démoraliser la France. Vous avez contribué. Vous avez projeté le film sous le titre de province française. Vous avez accepté qu'on le projette en Allemagne. Or, c'est faux. Le film a été projeté qu'en Belgique et en Suisse. Donc voilà, si vous voulez. Alors, prennent le contre-pied de ces attaques, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Claire, René Clair, Becker et Jacques Prévert, qui défendent Clouzot. Mais je pense que les passions ont été plus fortes que la réalité. Et donc, Clouzot va quand même être interdit pendant 2 ans et demi de profession. Alors, s'il y a des films qui sont pointés du doigt, comme Le Corbeau, il y a d'autres films qui seront, tout de suite après, considérés comme des films qui exaltent une sorte de résistance intellectuelle, morale de la population pendant la guerre. C'est le cas dans ce même article des Lettres françaises, vous le racontez dans votre livre, Jean-Pierre Bertamaguit, pour Le ciel est à vous, de Grémillon, par exemple, qui exalte le courage, la vérité nationale. Qu'il y a à l'intérieur de ce film, ou encore, un peu plus tard, évidemment, Des enfants du paradis, dont on entend la bande originale par Joseph Cosma. Thank you. Voilà la bande originale des Enfants du Paradis. Alors, qui est la particularité, ce film de Marcel Carné, donc avec une bande originale composée par Joseph Cosma, d'avoir été tourné en 43-44, mais d'être publié sur les écrans, d'être sorti sur les écrans après la libération de la France, en l'occurrence. Oui, c'est le premier film. Enfin, le premier film, c'est La Libération de Paris. Mais le premier grand film projeté sur les écrans français, effectivement, c'est Les Enfants du Paradis. Mais ce que je trouvais intéressant, bon, on ne va pas revenir sur le thème des Enfants du Paradis, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, si vous voulez, que ce soit Les Enfants du Paradis ou Les Visiteurs du Soir, on a un aspect du cinéma français qui est intéressant, puisque au studio de la Victorine, qui était en fait le deuxième grand lieu à Nice, de production à Nice, de production de films pendant l'occupation, il y a toute une partie de la profession qui va faire travailler des clandestins. Ouais. Et qui sont interdits de travail dans la première partie de la guerre, exemple, on se trouve dans la zone sud et dans la zone libre. Même après l'invasion de la zone sud, ces gens-là se cachent, sont là, mais ils travaillent. Par exemple, donc, Vakevitch va accepter de réaliser les décors qui sont contrôlés par Tronner. Thirier va accepter de signer la musique qui est faite par Cosma, etc. etc. Donc il y a tout un milieu, n'est-ce pas, qui s'entraide dans ces studios. Et qui va à l'encontre des lois antisémites qui ont été votées en 1940, en particulier contre ces professions du cinéma. Anaïs Quien, sur ce film en particulier. Est-ce que le fait d'avoir fait travailler ces clandestins, donc ces parias du régime de Vichy et de l'occupation nazie, explique que ce film puisse, malgré tout, sortir en 1945 alors qu'il est tourné sous l'occupation ? Est-ce que c'est cela l'argument qui fait que ce film n'est pas retardé ou mis de côté ? Non, je ne pense pas. Je pense que lorsque Jean Painlevé décide, qui prend donc la responsabilité de la direction du cinéma au moment de la Libération, quand il décide de faire la grande semaine du cinéma français, il reprend des films qui sont plutôt du point de vue esthétique. La quinzaine du cinéma français, c'est en décembre 1944. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément parce qu'on a fait travailler des clandestins que... On y trouve semaine, nous, les gosses de Louis Daquin, Les Visiteurs du Soir, Les Lumières d'été de Grémillon, Goupil Main Rouge, ou encore Le Ciel est à vous, de ce même Grémillon. Avant de donner la parole à Sylvie Nioper, comment s'est organisé à la fin, dans la toute fin de cette guerre, mettons en 1943-44, Jean-Pierre Bertin-Maguitte, cette cohabitation entre ceux qui ont travaillé, voire collaboré quand même avec les Allemands de très près, puisque vous l'avez dit qu'il n'y avait pas de film directement de film de propagande, et puis ceux qui ont lancé des mouvements de résistance, quelquefois très tôt dans la profession, dès 1940 ou 1941. Qu'est-ce qui se passe dans ces derniers mois de l'occupation entre l'automne 43 et l'été 1944? Eh bien, je pense que ceux qui ont rejoint des réseaux de résistance, il y a le comité de salut public du cinéma français, qui est dirigé par Le Chanois. Il y a pour les cinéastes le Front National, dans lequel on retrouve Daquin, Becker, Autant Lara, Grémillon. Et en 1943, ces réseaux se rejoignent pour former le comité de libération du cinéma français. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont utilisé les institutions mises en place comme le comité d'organisation de l'industrie cinématographique et les différentes sous-commissions pour finalement se réunir et discuter de ce qui se fera à la libération, la réorganisation du cinéma, la mise en place de l'épuration, toutes ces choses-là. Voilà, Oui, Anaïsia. On prépare des images, on parle de ce qu'on va représenter, de comment on le représentera. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on le fait plus tard. On le fait à partir du 6 juin. Je pense que Sylvie pourra le dire mieux que moi. C'est à partir du 6 juin, quand il y a le débarquement, que véritablement le film de la libération, qu'on décide qu'il y aura un film sur la libération de Paris et qu'on met en place toute une véritable production avec un plan de travail, les secteurs liés, etc. Mais pendant la période de l'occupation, jusqu'au débarquement, la profession s'inquiète surtout de sa réorganisation. Et c'est surtout cela qui est, et qui va être lourd de conséquences d'ailleurs, par la suite, parce qu'ils font tout à fait des choses différentes que ce qu'ont fait les Italiens, par exemple. Mais vous dites que, par exemple, les Italiens, cinéastes italiens, donc pendant la guerre, qui ne sont pas fascistes, réfléchissent à une nouvelle esthétique, et mais on la connaîtra, cette nouvelle esthétique, c'est le néo-réalisme de l'après-guerre, et que les cinéastes français ne réfléchissent pas à créer une école avec une nouvelle esthétique, elle viendra plus tard dans les années 60 avec la nouvelle vague, cette nouvelle esthétique, mais au contraire, réfléchissent à des questions structurelles, d'organisation. Absolument. Et c'est ce qui va, si vous voulez, ça va être tout le contexte de la libération, ces affrontements qui vont avoir lieu entre la profession et les pouvoirs publics et à l'intérieur de la profession entre les techniciens et les patrons et en plus entre des mouvements de résistance qui ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. Alors justement, c'est là maintenant qu'on peut vous passer une partie de cette main, Sylvie Lindeperck, puisque vous avez travaillé sur ce cinéma de la libération en le regardant quasiment image par image, et en particulier sur un film qui s'appelle La libération de Paris, dont on va parler dans un instant. Ces questions d'organisation pèsent sur la préparation justement de ces images qu'on va tourner dès les villes libérées, et en particulier au moment de la libération de Paris ? Oui, alors tout d'abord, pour prolonger ce que dit Jean-Pierre, il y a une effervescence et une réflexion portant sur le moment de la libération et tous les enjeux de pouvoir autour de la réorganisation du cinéma qui commence à s'exprimer notamment dans l'écran français, inséré dans les lettres françaises clandestines, où là il y a un bouillonnement d'idées et un rêve qui commence à se développer du grand soir avec des projets de réorganisation du cinéma. Et c'est vrai que la discussion porte beaucoup moins sur la naissance d'une nouvelle esthétique, même si Sartre écrit quelques articles en disant il faudra développer un art des foules qui se rapproche un peu du cinéma qui est né en URSS, par exemple. Mmh. Alors, ce qui se passe à partir de juin, c'est que ce comité de libération du cinéma français, dont Jean-Pierre a déjà parlé, et dont il faut dire qu'il est très largement composé de communistes ou de sympathisants communistes, va se donner plusieurs missions en lien avec le Conseil national de la résistance. La première porte sur la conscience du fait que les images de la résistance vont manquer à la libération et que ces images sont majeures à la fois, je dirais, pour les enjeux symboliques et la bataille de mémoire et politique qui se met en place dès le moment de la libération. Et il y a conscience, en tout cas, qu'il va y avoir un contraste considérable entre la surabondance d'images sur Vichy, sur les collaborationnistes, et puis la rareté absolue d'images sur la résistance. Et le premier enjeu du comité de libération du cinéma français, c'est donc de filmer les derniers combats des FFI. L'une des opérations d'envergure va être d'envoyer un opérateur, Félix Forestier, dans le maquis du Vercors en juin 1944, où il va filmer jusqu'à l'attaque de Vassieux le 21 juillet. Puis des images qu'on a retrouvées récemment. Des images qui ont été pour partie montées dans le film de Le Chanois au cœur de l'orage, mais dont on a retrouvé très récemment les rushs et donc toute une partie sur la vie quotidienne des maquisards en juin-juillet 1944, la déclaration de la République, etc. Des choses absolument de première importance. Alors, premier objectif, dites-vous, c'est premier donc objectif, créer des images. Créer des images. Et le film La libération de Paris, dont on vient de parler, s'inscrit évidemment dans cette perspective. On va filmer ce qui va se passer à Paris. Donc, le CLCF va organiser ce tournage qui va commencer le 19 août 1944. On en écoute un extrait. 19 août 1944. Les voitures allemandes s'agitent. Les Allemands partent. L'armée de fer déménage à la cloche de bois. Des trains de camions descendent les Champs-Élysées, chargés d'hommes et de matériel. On disait autrefois, ils nous prennent tout. Bientôt, on dira, ils nous ont tout pris. Ils rôdent. Fait partie d'une retraite ou un mauvais coup. Sur ces avenues vides, Paris sent que quelque chose se prépare. Et soudain, claquent les premiers coups de feu. Jaillis des profondeurs de la résistance, des affiches sortent des murs. Les appels longtemps contenus, les cris d'espérance et les ordres. Harry a compris que la libération est proche et que c'est lui-même qui doit périr. Mais avant d'aller au combat, un brin de toilette. D'un coup de balai, Paris se débarrasse de deux chefs d'État. La décision est prise, il faut en finir. Et un bruit court de bouche à oreille aux armes citoyens. Voilà donc un extrait de cette Libération de Paris que vous connaissez par cœur et que vous présenterez d'ailleurs dans ces journées bientôt donc aux Invalides de Sylvie Lindeberg, un film donc dont le scénario est écrit par Pierre Bost et dont le texte est lu par l'acteur Pierre Blanchard en l'occurrence. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce film-là est tourné, dites-vous, dès le 19 août et qu'il est fini le 26 août, si j'ai bien compris, 37 minutes qui sont finies le 26 août et diffusées le 29, c'est ça, pour la oui, première fois. Oui, les opérateurs filment du 19 au 26, et donc le 26 filme le défilé du général de Gaulle depuis les Champs-Élysées, et le film est immédiatement monté. Il était d'ailleurs, les bobines étaient acheminées dans un laboratoire clandestin qui avait été mis en place par l'équipe de Mercanton, qui monte avec sa femme Victoria et Suzanne de Troyes au fur et à mesure qu'arrivent les bobines et qu'elles sont développées. Incroyable. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que ces images arrivent, le projet se déplace légèrement. On peut penser que, étant donné la rapidité de production du film, que le scénario a dicté finalement les images qui ont été utilisées. Et en même temps, l'afflux d'images a modifié le projet de départ, ce qui nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à l'origine, ce film devait être le numéro zéro de la presse française libérée. Presse le filmée. Deuxième optique du CLCF. C'est étant de faire pièce aux Américains. Exactement. D'abord de créer un journal symbole porté par la résistance et va se jouer en effet une partie très serrée avec les Américains qui, eux, souhaitent distribuer leurs propres journaux d'actualité. En particulier le journal Le Monde Libre. Jean-Pierre Martin-Maggi, ce que raconte Sylvie Lindeberg, quasiment minute par minute sur ce film donc, de la Libération de Paris, c'est que ce que vous nous avez raconté auparavant, à savoir cette organisation du cinéma, ça a des vertus. C'est-à-dire que si ce cinéma est aussi bien, aussi efficace à la Libération, c'est qu'on sait comment faire, on sait comment organiser un plan de production en 8 jours et tourner, monter et diffuser immédiatement le film en question. Mais oui, parce que ceux qui font partie justement du comité de libération du cinéma français sont à la fois des cinéastes et des techniciens et des opérateurs. Et donc, on rassemble... Tous les talents. Il y a plus d'une centaine d'opérateurs pour filmer la Libération de Paris qui sont divisés en équipes. Une centaine d'opérateurs ? Oui. Ouais. Un peu moins. Un peu moins. Bon, Sylvie me dit un peu moins. Enfin, disons, il y en a beaucoup qui sont divisés en équipes de 2-3. On a divisé Paris en 10 secteurs. Enfin, bon, il y a vraiment une organisation. Mais alors, ce qui est intéressant, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on commence à prendre conscience de du fait qu'il faut créer des images, n'est-ce pas, pour asseoir cette imagerie de la résistance, très tard, finalement, en juin 1944, n'est-ce pas ? Mais jusque-là, on était surtout dans des discussions relatives à l'organisation. Mais... Anaïs Quien. Oui, c'est entre juin 1944 et 1945, la fin des libérations, c'est finalement le seul moment où on a à la fois des archives des pays qui se libèrent, des alliés et des archives allemandes. Je sais que vous avez notamment travaillé sur la représentation cinématographique par les Allemands du débarquement de Normandie. Absolument, c'est très intéressant parce que il y a toujours donc la diffusion de France Actualité, qui est le journal franco-allemand, donc jusqu'en août 1944. Et pour le numéro du 23 juin 1944, il y a pour la première fois un reportage de 9 minutes sur le débarquement en Normandie. Il y a eu dans le journal du 16 juin simplement 30 secondes qui nous montraient des batteries côtières en activité et un défilé de l'armée allemande sur les Champs-Élysées. et le 23 juin, le débarquement. Mais le débarquement avec des images manquantes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le débarquement, tout simplement parce que les reporters de guerre nazis n'étaient pas encore sur place, mais surtout parce qu'ils vont filmer, ils vont monter ce reportage comme ils ont monté déjà le reportage sur la bataille de Moscou, sur Stalingrad, sur la tentative anglo-canadienne à Dieppe en août 1942, c'est-à-dire avec « on ne montre pas l'ennemi ». Et on ne montre pas ce qui dérange, n'est-ce pas, pour mettre en avant la valeur de l'armée allemande. Alors, ces images sont tournées, montrées dans les cinémas, pendant que dans d'autres cinémas, on commence à imaginer de montrer ce film sur la libération de Paris. On a d'abord pensé, Sylvie Lindeperg, à le diffuser sur un grand écran sur la place de la Concorde. J'ai cru lire ça, je ne sais pas si c'est chez vous, si Jean-Pierre Bertin-Maguide. Oui. Et puis ensuite, on a vu que c'était... Il est passé au cinéma Le Normandie, le 29 août, il faut bien comprendre que c'est un événement majeur. C'est vraiment l'œuvre symbole de la liberté recouvrée, qui est aussi celle de la libération des écrans, puisque Jean-Pierre vient d'en parler. France Actualité a continué à projeter ces images jusqu'en juillet, début août. Et puis, là, c'est la libération symbolique de la capitale, mais également des écrans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que les opérateurs filment dans les rues de Paris, l'insurrection, les batailles de rue de FFI, puis l'arrivée des FFL. Dès le 19 août, Jean-Paul Le Chanois et les milices patriotiques du cinéma, dirigées par Étienne Laroche, se sont employés à occuper les principaux lieux du pouvoir cinématographique. Eh oui. Premier lieu, la rue François 1er, où se trouve précisément le siège de France Actualité. Puis ils se rendront avenue des Champs-Élysées, dans le siège du COIC dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre. Comité d'organisation de la société cinématographique. Et enfin, la direction générale du cinéma, où là, ils vont rencontrer des résistants gaullistes, mais également qui ont travaillé sous Vichy, qui ont déjà pris le lieu en main. Et là, on voit déjà se jouer cette première escarmouche politique entre les communistes et les gaullistes d'une part. Et puis la partie va devenir une partie à trois puisque les Américains arrivent et souhaitent prendre la direction de la presse filmée. Alors ça, c'est très intéressant, mais même à l'intérieur du Parti communiste, on peut sentir des tensions. J'ai cru comprendre en vous lisant, Jean-Pierre Bertin-Maguide, que par exemple, entre Louis Daquin et Jean-Paul Le Chanois, il va falloir choisir parce que Jean-Paul Le Chanois, qui est pourtant communiste depuis, je crois, 1933, est accusé d'avoir de s'être trop approché, en particulier de ces fameuses continentales dont vous parliez tout à l'heure, qui étaient dirigées par Greven pendant la guerre. Et donc, on va lui retirer la médaille qu'il aurait pu avoir en dirigeant justement ce nouveau comité du cinéma de la Libération. Je pense que ça a été évidemment ce qui a été mis en avant, mais c'était un prétexte parce que je crois qu'on a préféré l'intellectuel au technicien. Louis Daquin. À l'idéologue plutôt qu'au technicien. Je pense que c'est ça qui s'est joué. C'est Aragon qui a choisi. Le Front National et le comité de salut public, me semble-t-il. Oui, il y a eu une rivalité qui existait pendant la dernière année de l'occupation entre le Front National du Cinéma, au sein duquel, donc organisé par René Pleige, le bras droit d'Aragon, avec des scénaristes comme les frères Prévert, il y avait Sartre, il y avait tout ce petit monde intellectuel qui se réunissait au Café de Flore, et pour les gens du syndicat des cinémas, qui était composé plus particulièrement de techniciens, il y avait une rivalité. Les uns considéraient les gens du syndicat un peu comme des matamores, les autres considéraient que, hormis leur discussion sur l'avenir du cinéma, ils s'étaient insuffisamment engagés dans le combat. Voilà. Donc ces rivalités se poursuivent, mais néanmoins, il y a une fusion du Comité de libération du cinéma français et des accords qui sont passés pour entreprendre un autre combat qui est beaucoup plus urgent, qui est de réorganiser le cinéma et de parvenir à contrer les initiatives éventuelles du général de Gaulle. La première bataille est gagnée, Jean-Pierre en a parlé, avec la nomination de Jean Painlevé à la direction du général du cinéma, qui est l'un des leurs membres du Comité de libération du cinéma français. Donc on est encore dans des histoires d'organisation tout de même. Comme l'expliquait pendant l'occupation, on s'occupe d'organisation. À la libération, on s'occupe d'organisation on aussi. On occupe les locaux et on va tenter, à partir de cette occupation des locaux, prendre en main le destin du cinéma et de la presse filmée. Et on fait le tri aussi, peut-être. Ah oui. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que vient de dire Sylvie, c'est effectivement, Jean Painlevé est nommé. Donc là, ce sont les techniciens qui ont gagné. Mais l'autre figure qui était proposée, c'était Robert Buron, par justement les résistants du groupe Opéra qui sont liés au gouvernement provisoire, n'est-ce pas ? Et la nomination de Jean Painlevé a été fatale à Jean Guignebert, qui était sous-secrétaire d'État à l'information et qui a été raillé pour mettre à la place Ted Gain, qui est MRP. Donc il y a eu constamment ces affrontements, c'est ce que je vous disais au début, ces affrontements qui vont s'additionner. Il y a d'une part les affrontements au sein de la résistance, des affrontements entre la profession et les pouvoirs publics, mais aussi... À l'intérieur de la profession. Exactement. Anaïs Kien. Oui, des problèmes d'organisation aussi, on imagine, liés à la question de l'épuration du cinéma français après la libération. Bien sûr, on décrit les dissensions internes aux libérateurs, à la résistance, mais ceux qui ont travaillé pendant cette collaboration, parce que j'imagine qu'on s'intéresse pas mal à eux aussi. Dans après ce contexte d'affrontement dont nous parlons, c'est mis en place l'épuration. Et là encore, ces affrontements, on va les retrouver au sein des commissions d'épuration. Le CLCF se veut le porte-parole de la profession parce qu'il ressort grandi de la résistance. 40 000 adhérents à la Fédération du spectacle sur une profession qui compte quand même 65 000 personnes, n'est-ce pas ? Donc, il y a une force. Mais... la même chose, à l'intérieur des commissions d'épuration vont s'opposer les patrons et les techniciens, par exemple. Et ensuite, par-dessus, l'État qui impose, n'est-ce pas, l'institutionnalisation de l'épuration à partir de fin 44. Sylvie Lindeperg, sur ces questions qui ne sont pas encore en germe dès, mettons, fin août, début septembre 1944, mais qui vont se poser très rapidement, justement, de savoir qui fait partie de la profession, qui n'a plus le droit d'en faire partie. Ce sont des questions qui sont importantes, qu'on connaît aussi chez les écrivains, avec le Comité national des écrivains, par exemple. Oui, alors, pour ce qui concerne l'épuration, là encore, on voit bien que pendant une première période qui dure quelques semaines, le CLCF est en poupe. Véritablement, il prend en main les locaux, il sort son premier journal début septembre 1944 et il se voit confier les commissions d'épuration provisoire. C'est lui qui établit le premier questionnaire qui était déjà en germe dans la presse clandestine avec la publication des listes noires. Et le CLCF va véritablement exercer son emprise sur le cinéma pendant cette période-là. Ça dure jusqu'à quand, ça ? Ce d'autant plus, je dirais, que la libération de Paris est un succès considérable. Qui va asseoir très fortement sa légitimité dans le milieu cinématographique. Il faut dire que le film La Libération de Paris va être c'est un immense partout, succès à l'étranger aussi, aux États-Unis, non seulement à Paris mais évidemment en province. Et Pierre Blanchard fait une tournée triomphale aux États-Unis avec le film. Le film étant extrêmement consensuel et habile, Le CLCF a, au fond, choisi plutôt une stratégie professionnelle qui consistait à rendre hommage et rendre gloire au peuple de Paris, à une capitale qui se serait libérée par elle-même, qui coïncide au même moment avec le discours du général de Gaulle du 25 août 1944. D'une certaine manière, ce film-là, c'est le film de la communion, à un moment où tous les acteurs réconciliés peuvent porter ensemble une vision de la libération et peut-être de ce qui va se passer ensuite. Mais très vite... C'est très vite, c'est combien de temps ? Pour ce qui concerne les actualités, bon, il faut quand même rappeler que dès le 28 août 1944, le général de Gaulle annonce la dissolution des états-majors FFI. Et là, dans le premier numéro que sort le CLCF, donc en toute illégalité, ils n'ont pas encore de statut légal, le premier sujet est consacré aux fusillades de Notre-Dame avec un discours qui est plein de sous-entendus, qui laisse entendre que la France n'est pas libérée, qu'il faut continuer le combat. Et derrière, il y a évidemment cette idée qu'il faut garder les armes. Donc il y a véritablement une première escarmouche politique dès septembre. Et je dirais que le grand tournant, il se fait probablement graduellement pendant tout l'automne 1944. Le CLCF a la main sur ses actualités filmées, va réussir à contrer l'initiative des Américains, obtenir le monopole. Et pendant les premières semaines, les premiers mois, on a avec les actualités françaises, ça s'appelle France Libre Actualité, une vision très précise de tout le combat politique que vont mener les communistes et le général de Gaulle pour mettre fin à cette espèce de hiérarchie du pouvoir entre les instances de la résistance, notamment dans la police, dans l'armée, et puis... Absolument, avec cette idée de retour à l'ordre, à la légalité républicaine. Et tout ça transparaît de manière très nette dans les premiers numéros des actualités qui font la politique du Parti communiste, avec évidemment parfois un peu plus de nuances, jusqu'en novembre à peu près, date à laquelle le gouvernement va devenir actionnaire majoritaire des actualités. Et à partir de ce moment-là, il y a un début de remise au pas. Mais je dirais que le tournant majeur, c'est le printemps 45. Jean-Pierre a parlé tout à l'heure de Jean Painlevé. Jean Painlevé, c'est en mai ou en avril 45 qu'il est remplacé. Donc ça, pour le CLCF, c'est un échec. On a parlé tout à l'heure de l'épuration. Dès l'hiver 45, il est dépossédé de son pouvoir de suspendre provisoirement les personnes suspectées de collaboration. Et puis, ses grands rêves d'un secteur nationalisé en termes de production et de distribution sont en train de s'effilocher. Oui, je suis pour rebondir sur ce que dit Sylvie. Oui, et donc, au niveau de l'épuration, ça se fait dès le 16 octobre. C'est-à-dire, dès le 16 octobre 1944, les pouvoirs publics mettent en place les comités régionaux interprofessionnels d'épuration, qui sont donc les juridictions républicaines, n'est-ce pas, qui vont prendre le relais de ce qu'a fait le CLCF. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre les premières enquêtes et les premières listes que fournit le CLCF. Mais à partir de ce moment-là, c'est eux qui vont gérer l'épuration. Donc ça se fait parallèlement à ce que dit Sylvie, effectivement. Anaïs Kien. Et lorsqu'on regarde cette épuration, est-ce qu'on arrive à dégager des règles pour savoir qui est puni ? Quel type de collaborateurs est puni, Sylvie Lindeberg ? Parce qu'ils ne le sont pas tous. Oui, alors pour l'épuration cinématographique, je dirais, est très largement marquée par la grande ambivalence de l'attitude des gens de cinéma pendant l'occupation, dont a parlé tout à l'heure Jean-Pierre. Quand il parlait, je pensais une phrase de Sartre dans Situation 3, quand il dit « Me comprendra-t-on si je dis à la fois que l'occupation fut intolérable et que nous nous en accommodions fort bien ?» Ce qui vaut pour ce milieu intellectuel vaut aussi pour le cinéma, si l'on accepte évidemment tous les réprouvés et la politique antisémites de Vichy et puis les exilés. Donc cette ambivalence, elle porte aussi sur quelqu'un comme Jean-Paul Le Chanois, dont parlait Jean-Pierre. Il travaille comme scénariste dans l'équipe de Clouseau à la Continentale. Et dans le même temps, il est le premier qui fonde, dès 40-41, un réseau de résistance. Cette ambivalence-là, elle va peser très fortement sur l'épuration. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on a, je dirais, établi les principaux griefs contre des membres de la profession, à savoir, dans les premiers questionnaires du CLCF, avoir travaillé économiquement avec l'ennemi, avoir utilisé sa notoriété pour participer au voyage en Allemagne, à des mondanités, etc. Avoir évidemment appartenu à des organismes collaborationnistes. Là, je parle de l'épuration professionnelle. Hein. D'autres sont jugés pour avoir, pour délation. Eh bien, il reste la majorité de la profession, puisque Jean-Pierre a bien rappelé que le cinéma français était très largement un cinéma d'évasion, d'exil, et a peu donné prise à la propagande, hormis évidemment les actualités filmées et quelques officines de propagande. Donc, pour le CLCF, il y a une volonté, symboliquement par l'épuration, de tenter de séparer le bon grain de l'ivraie. Or, c'est pas si simple, parce que quelqu'un comme Le Chanois, il a à la fois travaillé à la Continentale, sur des films anodins, et en même temps il est résistant. Et le grand échec de l'épuration, c'est sans doute de ne pas avoir réussi cette catharsis, d'avoir réussi à mettre en place une critériologie très nette pour ces cinéastes qui ont travaillé sous l'occupation, raison pour laquelle le CLCF lui-même, très contesté par les gaullistes, décide de se juger lui-même, et on se retrouve sur les mêmes bancs, un jour juge, le lendemain accusé. C'est parfois avec des épisodes tragicomiques liés à cette période-là. Et l'abcès de fixation, Jean-Pierre l'a bien dit, c'est Clouseau. Clouseau qui est quand même suspendu sine die, hein, même s'il va pouvoir reprendre. Oui, mais quand on regarde un petit peu, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que finalement, cette épuration, et ça ne contredit pas ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est un combat idéologique. C'est-à-dire que finalement, les juges de cette institution républicaine ont puni davantage ceux qui étaient les plus médiatisés. Pourquoi ? C'est pour avoir la maîtrise de la communication, n'est-ce pas ? Et donc, ça participe de tout ce qui se passe à côté. Et en fait, il y a deux grands critères, si vous voulez, qui vont s'affronter pendant ces procès. C'est l'antipatriotisme et le pronazisme. Et on punit davantage l'antipatriotisme plutôt que le pronazisme. C'est-à-dire qu'on punit davantage ceux qui ont dénoncé les résistants plutôt que ceux qui ont dénoncé les juifs, par exemple. Ah oui. Ça, voilà. Donc, de manière générale, on peut dire ça. Mais c'est véritablement, ces procès d'épuration, c'est un combat idéologique. Alors, on a compris que dès la Libération, grâce à ce film La Libération de Paris, tourné en 8 jours, monté en 8 jours, réalisé en 8 jours et diffusé immédiatement, on avait une sorte de perle de réalisation documentaire d'histoire immédiate, pourrait-on dire. Il y a d'autres choses qui se mettent en route ensuite, à part ce qui a été tourné pendant la guerre et qu'on sort sur les écrans comme Les Enfants du Paradis, qu'est-ce qui se met, une production normale se remet en route, et en particulier autour de cette question de la guerre, de la collaboration, de la libération? Est-ce qu'il y a d'autres exemples plus tardifs, ou est-ce que c'est une sorte de fleuron quasi unique, ce film La Libération de Paris, Sibylline Lepergne? Non, c'est une réussite sans doute inégalée. Mais le CLCF met en place, pendant toute cette période, il faut d'abord relancer le cinéma. Il y a des pénuries, il y a des salles détruites. Et donc la priorité va être mise justement sur les films qui traitent de la guerre, de l'occupation, avec là encore une prééminence du CLCF qui, dès octobre 1944, met en place une coopérative. Et c'est cette coopérative qui va produire notamment La bataille du rail, de René Clément, autre autre grand succès de l'époque. Et puis, de manière beaucoup plus difficile, le film de Jean-Paul Le Chanois, Au cœur de l'orage, ou encore Le 6 juin à l'aube, dont je parlais tout à l'heure, de Jean Grémillon. Un dernier petit mot, Jean-Pierre Vertamaguit, sur ce point, sur la reprise, pourrait-on dire, du travail, la façon dont ça s'est réinstallé. Oui, ben, c'est-à-dire que, évidemment, le CSCF avait décidé de faire passer l'ensemble de la profession pour pouvoir soit redistribuer les cartes d'identité, puisqu'on ne pouvait, à cette époque-là, professionnel, soit redistribuer les cartes d'identité professionnelles ou les retirer. Donc, quand on voit le bilan de ce qui s'est passé, d'abord, la longueur des procès a entraîné beaucoup de rumeurs, n'est-ce pas, a permis de développer beaucoup de rumeurs, ce qui se rajoute aux affrontements qui ont eu lieu et donc qui crée un climat véritablement nauséabond. Mais on s'aperçoit que finalement, le cinéma français en 1945 reste ce qu'il était en 1940. C'est-à-dire que les producteurs qui ont fait le plus de films pendant l'occupation reprennent leur activité, les acteurs pareil. Le cinéma français ne change pas tellement de figure, à part deux ou trois dossiers qui ont été épineux. C'est oui, raison pour laquelle, pour le CLCF, il passe véritablement du rêve du grand soir aux désillusions et à partir du printemps 45 à une certaine amertume. Merci en tous les cas à tous les deux, Jean-Pierre Vertamaguit et Sylvie Linoperc, d'être venus avec nous pour faire le point sur ce cinéma de la Libération. Ça n'était pas simple parce que ce sont des structures qu'on connaît peut-être pas très bien aujourd'hui, mais néanmoins on a cru comprendre en vous écoutant qu'il y a là les racines de ces structures du cinéma français que nous connaissons aujourd'hui, même si elles ont été profondément modifiées depuis. On peut vous lire justement pour savoir tout cela, Jean-Pierre Vertamaguit, Le cinéma français sous l'occupation chez Perrin. Vous avez travaillé très particulièrement justement sur ces questions d'organisation pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais également, on peut effectivement vous lire aussi avec d'autres livres sur, par exemple, les guerres d'Algérie. C'est aux presses universitaires de Paris-Sorbonne ou les documentaires des années noires. C'est chez Nouveau Monde. Quant à vous, Sylvie Lindeperg, on peut vous lire donc dans Clio de 5 à 7. Les actualités filmées à la Libération, c'était au CNRS édition. Les écrans de l'ombre, donc avec un sous-titre, la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français, c'est chez Seuil.histoire. Et puis l'an dernier, chez Verdier, la voix des images. Et on pourra aller vous voir donc pour cette série de conférences, 25 septembre, 24 octobre et 27 novembre, donc des journées entières qui sont consacrées donc à ce cinéma, ces images et ces imaginaires de la Libération. On mettra le lien sur notre site, c'est donc aux Invalides à Paris. Premier jour, filmer le débarquement avec vous et Olivier Vieviorca, donc filmer le débarquement en Normandie. Deuxième jour, les images des maquis avec la participation exceptionnelle de Marc Ferraud avec vous, résistant et également historien du cinéma. Et puis le troisième jour avec Jean-Pierre Azéma et Christine Lévis-Touzé, le 27 novembre, la libération de Paris en images. On ira bien évidemment vous voir. Merci encore à tous les deux et merci à vous, Anaïs Kien, d'avoir préparé cette semaine avec nous. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Alexandre Dang était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez la télécharger pendant un an après sa diffusion, l'écouter pendant trois ans après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que en nous écrivant à fabrique@radiofrance.fr ou encore en participant au groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou en me suivant sur le réseau Twitter. Merci et à demain. Demain, première table ronde fiction de cette saison, donc 2014-2015 de la Fabrique de l'Histoire.